ton nom, ton adresse, tes coups de cœur, tes caresses, tes yeux, ta voix, ta tendresse, ta douceur et ta finesse. Tu as tout déménagé chez moi. Là, la vie à deux, ma nouvelle aventure, viens me chercher. Quand je sors du studio, la vie à deux, c'est beau tant que ça dure. Promenons-nous, rentrons chez nous, c'est beau, la vie à deux. Tes chagrins, tes mauvais jours, quand tu appelles au secours, tes colliers, tes gourmandises, tes mots d'argot par surprise, tu as tout déménagé chez moi. Là, la vie à deux, ma nouvelle aventure, viens me chercher. Quand je sors du studio, la vie à deux, c'est beau tant que ça dure. Rentrons chez nous, c'est beau, la vie à deux. J'aurai de la prévenance, du style et de la patience. Je serai toujours celui que tu jures que je suis. Notre cœur sera léger,